La Nature et moi, le jeudi de 17h30 à 18h. Bienvenue dans La Nature et moi, l'émission qui vous permet d'exprimer votre émotion face à ce bouleversement climatique et partager vos engagements envers cette belle planète. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Sylvie Camet. Bonjour. Bonjour. Alors Sylvie Camet enseigne la littérature comparée à l'Université de Lorraine et a publié récemment un récit intitulé « La submersion qui vient », qui imagine la crue de la Seine à Paris telle qu'on l'appréhende depuis plusieurs décennies. Alors, juste avant d'aborder votre roman, j'ai relevé quelques informations. Tout d'abord, sur le site de TV Info, j'ai lu qu'une crue centennale, centennale, est une crue avec un débit important qui a une chance sur 100 de se produire tous les ans. Alors, un exemple de crue centennale est en France la crue de la Seine en 1910, qui avait recouvert une partie des rues de Paris et des villes voisines. Elle avait duré 45 jours. Et sur le site de Méga Secure Europe, un leader mondial des barrages souples autobloquants, ils ajoutent que la France vivait en juin 2016 des inondations importantes entraînant la mort de 4 personnes et 1 milliard d'euros de dégâts. Un événement qualifié de catastrophe naturelle la plus coûteuse après la tempête Xynthia en 2010. Et alors j'ai relevé aussi qu'en matière de protection inondation, aucun dispositif n'est clairement établi, notamment en ce qui concerne Paris. Et pourtant les enjeux économiques sont énormes. Et tout le monde s'accorde à dire que la crue de juin 2016 ne fut que les prémices de la grande crue annoncée en région parisienne. Et les autorités communiquent sur leur plan de gestion de crise, mais aucune action de protection concrète n'a été envisagée à ce jour. Est-ce que c'est vrai ? Alors, oui, évidemment, c'est vrai, mais en même temps, pas complètement non plus, puisque très clairement, les pompiers, la ville de Paris, la préfecture et l'État, d'une façon générale, se préparent à cette crue depuis des années. Donc, si vous allez d'ailleurs sur les sites de ces différentes instances, vous verrez quelles sont les mesures, l'anticipation. Et bien entendu, cela existe. Mais ce qui est certain, et c'est là où je pourrais vous approuver, c'est qu'en fait, bien qu'on ait aujourd'hui toutes sortes de barrages en amont, de retenues d'eau, il existe une combinaison de facteurs qui ne s'est pas produite récemment, mais qui pourrait se produire, qui ferait que là, on ne pourrait absolument plus intervenir. Okay. Donc cette crue, oui, elle viendra parce qu'à un moment donné, par le jeu des affluents et des pluies, on risque effectivement de ne rien pouvoir empêcher. D'accord. Waouh. Alors, je rebondis sur votre roman. Donc vous avez, alors pourquoi avoir choisi en fait ce thème de la crue, ce lieu qui est Paris, et en avoir fait un livre ? Alors, le début est vraiment extrêmement banal puisque il est autobiographique, si je puis dire, pendant une vingtaine de pages. Après, on quitte ma personne et mon expérience. Okay. Mais effectivement, j'ai voulu faire l'acquisition d'un local en rez-de-chaussée qui était tout près de la Seine. Local absolument charmant parce que donnant sur une cour pavée avec un arbre. Cette acquisition, j'allais la réaliser jusqu'à ce que j'apprenne par la notaire notamment que la zone était inondable, j'aurais pu m'en douter, mais zone inondable, ça veut dire beaucoup plus que simplement les mots, cela veut dire aujourd'hui que vous n'avez pas d'assurance pour votre appartement, sauf si vous êtes un commerce, si bien que quand même, on hésite un peu. C'est-à-dire qu'on veut bien être kamikaze, mais acheter un appartement sans assurance, sans d'ailleurs penser même à la crue, mais ne serait-ce qu'au vol, à l'incendie, etc. En principe, on évite. En principe, ouais. C'est clair. Ok, ouais. Donc l'idée est venue à quel moment, en fait c'est... Bon, ça remonte à quelques années. Ça n'est pas très vieux. Ça fait peut-être, je dirais, 4 ans. D'accord. Et donc, en fait, ce qui s'est produit, c'est qu'après... D'abord, j'ai beaucoup regretté. J'ai regretté d'avoir été frileuse. Je me suis dit, voilà, ça fait 4 ans qui se sont écoulés et il n'y a pas eu de crue. Donc, j'aurais eu parfaitement déjà 4 années de vie heureuse dans cet endroit. Ouais. Mais d'un autre côté, il y avait aussi des amis qui, sachant, parce qu'on en avait beaucoup parlé, qu'il y avait toute une poésie autour de cela, et puis en même temps, à côté de la poésie, le sentiment de la catastrophe. En fait, j'ai été un peu poussée de l'extérieur à écrire cette histoire. Ah, d'accord. Avec grand bonheur de lire quelques extraits. Alors, La Submersion qui vient est un roman du genre météorologique. On va dire, vous parlez d'économie de guerre avec une version apocalyptique d'une partie de la ville, donc la rive gauche près de la Seine, qui se retrouverait au milieu, on va dire, d'un égout et d'immondices, en fait, en quelque sorte, après l'absence d'électricité, d'outils de communication, une alimentation restreinte, une vie bouleversée. Et cette perception de l'avenir de Paris est à prendre en compte, car l'actualité n'est pas vraiment de nature à nous donner de l'optimisme. Et alors, au travers de du récit de l'héroïne, vous montrez également le déni de la plupart de nos concitoyens concernant les prochains événements climatiques destructeurs. Est-ce que je me trompe ? Non, vous ne vous trompez pas. Bon, évidemment, dans le cas précis, je l'ai entendu, puisque pendant plusieurs semaines, j'ai agité cette brûlante question dans les dîners. Est-ce que vous achèteriez en zone inondable ? Et ce qui était très amusant, c'est que tout le monde me disait « Mais oui, mais bien entendu, à Paris, il ne se passe rien. » Et donc, effectivement, les gens paraissaient très rassurants. Ouais. Alors, en fait, on pourrait dire qu'à cette micro-échelle, on a un symptôme de ce qui se passe à l'échelle de la planète d'une façon générale. On trouvera toujours des parades, on trouvera toujours des solutions. Et évidemment, l'impression générale est plutôt que essayons de continuer à vivre comme on a toujours vécu. Finalement, il y a des spécialistes, il y a des scientifiques, il y a des techniciens, des ingénieurs qui seront capables de résoudre tous ces problèmes à notre place. D'accord. Oui. Alors, vous m'avez conseillé de lire deux extraits. Donc, en commençant à vous lire, je dois vous avouer que je me suis retrouvée dans ces rues de Paris grouillant de personnages affolés. J'étais entraînée dans cette aventure avec une facilité déroutante. Votre plume est vive, vous tenez le lecteur en haleine. Il y a vraiment une intensité dans l'écriture. Et dans le premier extrait, l'héroïne donc assiste au rez-de-chaussée d'un immeuble dans un hôtel à la fuite des habitants et se retrouve confrontée à ce choix, donc partir ou rester. Partir mais où ? Alors bon, elle décide de rester. Et la description de la catastrophe donne des frissons, car on se rend compte de notre vulnérabilité. Et cette descente aux enfers est si rapide, en quelques pages, en fait, vous abordez toute la folie que peut provoquer un exode. Et donc, descente aux enfers, un peu aussi rapide qu'une crue, quoi. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'autant on peut anticiper un certain nombre de phénomènes climatiques, la crue, en tout cas c'est du moins l'information que j'ai pu lire partout, la crue ne pourra pas être anticipée à plus de 24 à 48 heures. Donc de toute façon, le moment où on passe de ce niveau élevé de l'eau auquel on est plus ou moins familiarisé à ce débordement, ça va se produire extrêmement rapidement. Et donc, du coup, les parades seront très peu nombreuses, bien entendu. Ok. Alors, dans le deuxième extrait, nous passons dans le quotidien pendant l'inondation, donc survivre au milieu d'un cataclysme, désespoir, mais aussi soutien entre les personnes qui ont voulu rester. Et là, je me dis, qu'est-ce que je ferais à leur place ? Et j'ai pas de réponse. Et vous, vous avez réfléchi en disant, bah, si j'étais dans la situation là, je fais quoi ? Alors, évidemment, j'y ai réfléchi puisque j'ai écrit un livre. Tout à fait, voilà. Mais d'un autre côté, entre une situation virtuelle et une situation réelle, bon, il faut quand même établir une nette différence. Mmh. Alors, simplement, bon, je ne suis pas casse-cou, je ne suis pas spécialement donc quelqu'un qui aurait toute l'énergie et la vitalité et la force pour braver les éléments. Mais en revanche, ce que j'ai aimé dans cette projection, c'est la possibilité que nous aurions de nous rencontrer les uns les autres. Et en fait, mon livre, si vous voulez, plus qu'un livre catastrophiste, c'est aussi un livre qui essaie d'examiner les solidarités. Mmh. Et comment, dans un cas où on est tous face à la même situation et donc dans un même sentiment d'impuissance, on pourrait s'efforcer de se parler, de se rencontrer, de se soutenir. Mmh. Et ça me paraît essentiel. Oui, bien sûr. Mais alors, la question, je me dis, alors, au-delà de la catastrophe, voilà, comme vous dites, vous abordez le fait que l'être humain pourrait reconstruire de vraies relations humaines, mais doit-on nécessairement passer par une destruction massive pour reconstruire une société solidaire ? Alors, c'est ce qu'on entend assez souvent aujourd'hui, parce que, évidemment, si vous entendez tout ce qui relève de la collapsologie, vous aurez remarqué qu'il y a le côté anxiogène et évidemment assez terrifiant de cette plus ou moins représentation, alors pas d'une fin du monde, hein, il ne faut pas se tromper sur les termes, hein, d'une fin de l'humanité, ce qui est autre chose. Vraiment, cela fait peur. Et même, on sait aujourd'hui que certains médecins sont même déjà devenus spécialistes liste des symptômes engendrés par cette appréhension. Mais d'un autre côté, on l'a vu aussi, ont été écrits toutes sortes de livres qui portent sur l'idée que non, justement, il n'y a pas que la jungle, l'autre loi de la jungle, par exemple. C'est justement cette idée que peut-être on en a besoin. Peut-être qu'on aurait besoin d'en passer par un extrême qu'on aurait probablement fait mieux d'éviter, mais passer par un extrême pour en revenir à des valeurs plus fondamentales et du coup essayer de resserrer les liens sociaux. D'accord. Alors votre ouvrage donne vraiment envie de profiter de la vie, en fait, de la nature si belle. Alors vous m'avez dit que votre premier souvenir fort avec cette belle nature était une marche avec votre père. Alors je lis votre description. Fin août, début septembre, mon père m'emmenait marcher du côté de Saint-Nicolas-de-Port. Et sur les chemins, nous cueillions des mirabelles aux branchages qui dépassaient des vergers. Cela m'apparaissait extraordinaire, cette nature qui vous offrait des fruits à volonté. Ils étaient délicieux, on pouvait s'en régaler jusqu'à être malade. Il y avait un côté un peu interdit et en même temps pas beaucoup. L'idée un peu rousseauiste qu'il ne fallait pas de barrière, car cette richesse-là appartenait à tout le monde. Quel âge aviez-vous ? Oh, j'étais petite, hein, et c'est un souvenir qui remonte à, je sais pas, moi, 7 ou 8 ans. D'accord. Ouais. Et c'était une marche chaque année ? Ah oui, c'était presque chaque année, parce que mon père, d'abord, adorait la marche, ce qui n'était pas mon cas. mais il aimait bien aussi ce côté un petit peu de chapardage, quoi. C'est-à-dire qu'une sorte de limite entre ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. Et en fait, à cette époque, évidemment, on pouvait glaner comme ça de façon assez facile. Et les gens ne lâchez pas les chiens derrière vous. Donc, oui. c'est une autre époque. Voilà. Donc il y avait quand même une grande satisfaction à se dire que, en fait, cette nature était prolifique et du coup, elle permettait en fait que nous soyons nourris et sans passer par le biais d'un commerce. D'accord. Eh bien, ce que vous me dites, bon, ça, hop, je saute le pas pour écouter votre premier choix musical, qui est Catherine Ribeiro, « Tous les droits sont dans la nature ». Un extrait de Catherine Ribeiro, « Tous les droits sont dans la nature ». Vous êtes sur Fadjet, dans l'émission « La nature et moi », où chaque invité partage ses engagements pour la planète et son souvenir marquant face à la nature. Nous accueillons Sylvie Camet, qui nous a présenté son ouvrage « La submersion qui vient », qui imagine la crue de la Seine à Paris telle qu'on l'appréhende depuis plusieurs décennies. Vous nous avez fait part de votre premier souvenir auprès de la nature, une marche dégustation sur un chemin bordé de mirabellis en compagnie de votre père. Et pour ce premier choix musical, j'ai choisi Catherine Ribeiro, une comédienne devenue une chanteuse engagée, militante et humaniste. Entre chansons et textes à rock progressif, elle clame un viscéral besoin de liberté. Alors, dans les paroles de Tous les droits sont dans la nature, elle clame le droit de vivre avec la liberté d'être. Pourquoi ce choix de Catherine Ribeiro ? Alors, en fait, parce que j'ai pensé que, d'abord, le titre de la chanson est paradoxal dans la mesure où le terme de droit renvoie justement à tout ce qui est de l'ordre de l'écrit et tout ce qui est de l'ordre de la construction par les hommes et de la réflexion par eux-mêmes. Et en fait, ce qu'elle indique, c'est que les droits sont dans la nature. Et alors, ce paradoxe, c'est qu'en fait, il faudrait plutôt puiser notre inspiration du milieu qui nous porte que l'inverse, c'est-à-dire appliquer à ce milieu, nos lois et notre système. Alors, bien entendu, c'est une chanson ancienne, hein, elle date de 1979, donc elle ne s'applique pas du tout à notre situation présente, enfin, même si elle peut, évidemment, y faire écho. Mais ce que j'aime bien chez Catherine Ribeiro, d'abord, c'est sa voix, c'est aussi sa musique. Et ce que vous avez entendu probablement dans l'extrait en question, c'est ce lien quasi permanent entre une révolte viscérale et d'un autre côté, quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion. Tout à l'heure, vous parliez d'une émotion et je crois qu'elle la vit aussi et elle réussit à faire coïncider les deux, ce qui n'est pas si fréquent. Alors, comme vous dites, le droit de la nature me fait penser au droit défendu par les juristes en ce moment depuis des années, comme par exemple Valérie Cabanès. Et devoir inscrire la nature dans un texte de loi, pour moi, c'est déconcertant. C'est terrible, je trouve, d'en arriver là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, surtout que ces dernières semaines, on en est arrivé à l'idée, par exemple, que on pourrait inscrire dans la loi le fait que le coq a le droit de chanter le matin. Me dépasse. Donc oui, on peut aller très loin en ce sens. Mais d'un autre côté, on comprend aussi ce système de défense, puisque effectivement, il semble que nous soyons octroyés tous les droits sur cette nature et que du coup, et c'est un renversement de situation quand même assez ahurissant, nous soyons obligés de restituer nous-mêmes des droits à une nature qui n'a rien demandé. Ouais, ça devient compliqué. Et voilà, donc je pense, chers auditeurs, auditrices, que vous êtes conscients de l'actualité planétaire et environnementale, hein, qui n'est pas très positive. Qu'est-ce que cela génère en vous, ce bouleversement climatique, Sylvie Camé ? Alors, ce bouleversement climatique, eh bien, je pense qu'il est à la fois, évidemment, notre horizon proche et que, de ce fait, il va impliquer des métamorphoses complètes de nos modes de vie, de notre rapport au monde et de notre rapport à la société. C'est extrêmement inquiétant puisque, d'après ce que l'on peut comprendre, évidemment, on ne passera pas en douceur de la situation économique, politique et climatique actuelle à une autre situation qui serait peut-être celle d'une consommation plus respectueuse. Donc non, on s'achemine vers des violences et des étapes qui, évidemment, vont coûter beaucoup beaucoup de notre confort et de notre tranquillité. D'ailleurs, ça m'amène à parler de l'émotion que vous avez choisie. Vous m'avez dit avoir, donc, je cite, la pression de vivre un temps suspendu, l'angoisse au bord de l'abîme, quelque chose d'irrévocable qui va se produire et bouleverser toutes nos habitudes, tous nos modes de vie. Alors, j'ai essayé de définir cet état avec les mots incertitude, inquiétude, voire le nouveau mot, c'est la solastalgie. Oui. Parce que c'est. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes dans une phase de flottement, de doute. Est-ce que c'est à peu C'est-à-dire que, évidemment, il y a toujours une petite part de nous qui espère que quelque chose se produira qui évitera le pire. Oui. Mais d'un autre côté, je suis en tout cas investie dans un certain nombre de lectures qui ne me portent pas du tout à la confiance. et c'est ces chiffres surtout qui sont de plus en plus criants. J'ai lu ce matin même, d'ailleurs, que les climatologues français avaient estimé qu'on dépasserait à l'horizon 2100 le chiffre qui avait été annoncé, donc c'est-à-dire qu'on serait à plus de 7 degrés d'augmentation. Ça veut dire que ce matin même, la dernière nouvelle était que les prévisions étaient encore plus pessimistes qu'elles ne l'étaient auparavant. D'accord, donc moi je vais être aussi éco-anxieuse, terrifiée. Puis, sur le site de Consoglobe, la définition de la solastalgie, voilà, ce serait le nouveau mal du siècle et qui se traduit par un sentiment de détresse et de tristesse en voyant son environnement proche se dégrader de manière définitive en raison de bouleversements environnementaux. Je pense qu'on y est là, enfin, cette sensation un petit peu d'éco-anxiété. Alors bon, on essaye quand même de garder un moral et puis une dynamique positive. Voilà ce qu'on essaye de faire. Mais bon, c'est pas évident. Alors, pour illustrer aussi cette émotion, on va écouter votre deuxième choix musical. Et j'ai pris Les Cowboys Fringants, Plus Rien. Ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Et moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Tout ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent. Ils rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens dans la panique qu'ont déclaré l'état d'urgence. Quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages on lisait la détresse. Les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim. Quand retombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Nous venons d'écouter Les Cowboys Fringants, Plus Rien. Vous êtes sur Fadjet, l'émission La Nature et moi, et nous sommes toujours en compagnie de Sylvie Camet qui nous a fait partager son expérience émotionnelle face à la catastrophe environnementale. Et vous aviez choisi comme émotion, on va dire, l'inquiétude, moi j'ai mis la solastalgie, voilà. Et les Cowboys Fringants ont bien retraduit un peu nos inquiétudes actuelles. C'est pour ça que j'ai laissé la musique passer presque entière. Alors c'est un groupe de folk et de country québécois, originaire du Québec. Voilà, country, c'est pareil. Et leur engagement pour notamment l'indépendance du Québec et l'environnement provoque un grand engouement au Québec. Les paroles sont assez sombres, mais proches de votre ressenti, en fait. C'est oui, vrai, oui, oui, oui. Ah bah, évidemment, elles le traduisent complètement. Alors, il y a une sorte de paradoxe, c'est que c'est un groupe qui a une vingtaine d'années et qui s'appelait Fringant au départ. Donc, donc qui a commencé avant les années 2000 avec l'idée que, justement, la folk, la country, c'était des moyens d'expressivité plutôt, donc, plutôt joyeux, plutôt léger. Et puis, qui, progressivement, effectivement, s'inscrivant dans... une sorte de constat politique de la faillite totale des gouvernements d'une façon générale et des États d'une façon générale à prendre en charge la question de la nature et du climat se sont donc fait remarquer de plus en plus pour leurs paroles engagées. Mmh. Alors, bon, je pense que ce qui, pour ma part, enfin, je dirais qu'il faudrait apprécier la nature, voilà, tant qu'elle est là, tant qu'elle est belle, devenir un acteur, un protecteur de la planète en agissant comme nous le pouvons, par des gestes quotidiens simples, mais aussi par d'autres engagements. Alors c'est vrai que vous, Sylvie Camé, par l'écriture de votre ouvrage La Submersion qui vient, vous avez une forme d'engagement qui se veut sensibiliser un public nombreux sur les catastrophes à venir. Je rappelle aux auditeurs, auditrices, que cet ouvrage, votre troisième roman, est paru chez Vagamundo et a été présenté au prix Goncourt, donc recevez tous nos encouragements, et le résultat du jury sera connu en fin d'année. C'est ça. Oui, alors je rectifie un petit peu quand même parce que c'est le cinquième et pas le troisième, mais bon, ça n'est pas très grave. et quant au prix Goncourt, malheureusement, on peut déjà l'oublier parce que la liste donc de présélection est déjà parue et je n'y suis pas. Bon, pas beaucoup, non, mais pas beaucoup d'étonnement parce que vous savez que c'est une énorme machine et une machine à profit et à intérêt réciproque. Donc évidemment, une petite maison et une petite autrice, ça n'intéresse pas beaucoup. D'accord, bah, nous, ça nous intéresse. Bah, tant mieux. Alors, concernant l'œuvre artistique, pour illustrer votre émotion face à ce bouleversement climatique, vous en aviez choisi diverses pour dédier à la question de l'effondrement. J'en ai choisi une de Jean-Marc Gansil, son ouvrage « Ne plus se mentir ». Alors, c'est un auteur donc, qui est titulaire d'un master en sciences de gestion, qui débute sa carrière en tant que consultant en développement durable auprès de grandes entreprises. Et c'est le cofondateur de Darwin à Bordeaux. C'est un des lieux assez grands pour des initiatives locales de transition. Il est convaincu de l'urgence d'accélérer la résilience des territoires. Aujourd'hui, apparemment, il est installé à La Réunion. Oui. Il se consacre désormais à la protection de la faune sauvage en Afrique et dans l'océan Indien et les terres australes françaises. Vous l'avez lu, je pense, l'ouvrage. Oui. Parce que, bon, moi, je ne l'ai pas encore lu, désolé. Oui. Et qu'est-ce que vous avez ressenti, en fait quand vous avez... En fait, comme j'ai lu pas mal d'ouvrages sur ces questions, ce que j'aime, et c'est pour ça que j'ai aussi retenu celui-ci pour l'émission, c'est que dans l'ouvrage de Gansil, qui est un ouvrage bref, il y a une volonté vraiment synthétique et une volonté d'efficacité. Bon, j'ai lu des textes qui étaient beaucoup plus réfléchis, argumentés et longuement développé et détaillé. Celui-ci, c'est un petit concentré, si vous voulez. Donc, effectivement, si on doit lire très peu sur la question, autant lire l'ouvrage de Gansil parce qu'il va droit dans le vif du sujet. Et surtout, ce que j'ai retenu chez lui, c'est qu'en fait, dans l'idée de ne plus se mentir, il y a non seulement, évidemment, les premières pages et les premiers chapitres qui sont des constats, mais des constats communs, des constats que tout le monde peut effectuer, mais surtout une deuxième partie qui indique que l'espèce de bonne volonté, bonne intention, gentillesse à l'égard d'une écologie qui serait finalement relativement compatissante, c'est quelque chose qu'il refuse et il invite effectivement à une forme de désobéissance civile, considérant que on a trop tardé et on a trop composé. Donc c'est cette idée de composition effectivement qu'il réfute aujourd'hui. Oui, voilà, il incite à un militantisme radical, une écologie sans concession. Voilà, exactement. Eh bien oui, c'est vrai que c'est une écriture, je pense, dérangeante, mais réaliste et lucide. Et c'est un ouvrage qui, comme le vôtre, se veut interpeller l'opinion, engager l'action collective avant d'être submergé par les catastrophes environnementales. Alors, nous arrivons à la fin de cette émission. J'aurais encore quelques questions. Quel serait votre monde rêvé ? Ah, mon monde rêvé. Bien écoutez, ce serait difficile à définir comme cela en quelques minutes, mais disons que plutôt ce qui me traumatise, mais depuis toujours, ce n'est pas simplement maintenant où il semble qu'il y ait une forte accélération des catastrophes. Moi, ce qui me traumatise, c'est que je n'arrive pas à comprendre comment les êtres humains réussissent à composer avec la violence de tous les jours, celle qui est celle de notre quotidien, alors qu'il s'agisse d'une violence politique, d'une violence économique, d'une violence symbolique. Et donc, du coup, tout ce que je peux dire, c'est que si je devais rêver un monde, c'est un monde dans lequel on serait effectivement débarrassé, si c'est possible encore, de cette logique de domination et cette logique donc capitaliste qui manifestement fait que nos vies sont volées, quoi, essentiellement. D'accord. Bien, eh bien, on va commencer à terminer cette émission. Merci beaucoup, Sylvie Camé, de nous avoir fait partager vos engagements, votre émotion face à cette belle nature. Ce fut un moment particulièrement intense, je dois dire. Alors, chers amis, je vous rappelle que l'émission est podcastée. Pour participer à l'émission, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de Fadjet ou sur ma page Facebook, La Nature et Moi. Vous y retrouverez des références culturelles, sociales et musicales. En attendant de partager avec vous un autre moment émotionnel, je vous souhaite une très bonne soirée et surtout n'oubliez pas, laissez-vous émouvoir par la nature. À bientôt. Ciao. Thank you.